Est-ce que le spirituel est nourri? C'est parce qu'on se nourrit du spirituel, puis on ne doit pas se nourrir du spirituel. On doit se nourrir de la lumière. Quand je disais que le monde des esprits doit retourner à la matière, qu'il y a rien que deux mondes, le monde de la matière et le monde de la lumière, il n'y a pas de monde des esprits. Les gens viendront dans la matière, puis ensuite ils transmuteront la matière, puis ils retourneront à l'éther, et non dans le monde astral. Donc, une incarnation, ça va être un changement. Un changement de dimension. Quand les gens seront évolués, il n'y aura plus de réincarnation. Il y aura de l'incarnation puis de la mort de translittération après. Comment? La mort de translittération. Changement de plan. Tu amènes ton corps à un autre plan. Tu disparais. Quand le monde des esprits sera disparu, les sept alephs seront... Quand le monde des esprits sera disparu, les sept alephs auront fini leur premier travail qui a été d'engendrer la forme. Parce que la forme sera détruite. Parce que la forme... Non, pas parce que la forme sera détruite, mais parce que la forme aura été spiritualisée. Non. La spiritualisation de la lumière, c'est la pénétration de la lumière dans... La spiritualisation de la forme, c'est la pénétration de la lumière dans la forme. Même la forme matérielle. Je veux dire, toi, tu parles d'être enragé. Ce n'est pas que tu sois avec moi quand je t'enragé. Quand je t'enragé, je te dis que je t'enragé en maudit. Ce dimanche, si le plafond avait... Un peu plus fort pour le plafond de tomber sur la tête. Enragé. C'est rien, ça fait la voix. Ah. Ben, je me suis dit qu'est-ce qu'il ferait s'il était bien choqué. Ben, le plafond s'est écroulé. Je t'ai enragé parce que tu viens, tu sais. Quand tu sais, tu viens enragé. Mm. Moi, c'est pour ça que je vous en donne du temps, puis je vais vous en donner du temps tant que vous pouvez. Parce que je réalise l'importance d'abord de vous donner du temps, puis deuxièmement, parce que je réalise la vibration des gens aussi. C'est ça qui me donne la force. C'est pas du travail pour moi quand j'ai ça. Pour moi, c'est un plaisir. J'aimerais ça amical aussi. C'est plaisant. Amical. Ah. C'est un vrai. Ah. Pas passé au bout non plus, mais c'est... La condition humaine, c'est une condition écœurante. Le mal. Ce qu'on lit, non, oui, il y a des mots. C'est que c'est infini. C'est ça. C'est un signal de Dieu. Tu vas, c'était ton rêve, hein? C'était ton rêve de ta petite bébite. Ça, c'est le symbole de tout ce fadal. Il mène que c'est le symbole. Fait que même toi, quand tu le vois, ça, quand tu as voué cette condition-là sur toute la planète Terre, c'est pas un cadeau. J'aimerais pas ça être à ta place, non plus. Mais il peut bien l'avoir. Il faut l'avoir. Hein? Il peut bien y avoir des tremblements de terre à peu près partout en même temps. C'est-tu des oranges, ça, ou non, des patins? Hein? Non, c'est pas une orange. Non, c'est un gérin. C'est un gérin, tu vois? Non, j'aime. Spirituel que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminé. Comment tu dis ça? L'amitié spirituelle que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminée. Parce que c'est bourré de sentiments. Parce que c'est bourré de sentiments. L'escadale, c'est ça. C'est un orange. Tu fais pour l'homme ce que tu as à faire, point. Une drôle d'orange. Une drôle d'orange. Il n'y a pas de noyau dedans, c'est la belle. Elle doit être totalement éliminée, l'amitié spirituelle. On ne peut pas avoir de sentiments, nous autres. C'est ça. Ouais, mais regarde la souffrance que ça demande pour le savoir. Toi, es-tu fort? C'est ça qui t'amène à ça. Mais c'est là quand le sentiment t'arrive, tu le refuses. T'en veux plus. J'en veux pas de ça. T'es clair? Tu n'as plus. T'es vide. Même on est plus calme en donner, toi. Non, tu donnes ce que t'as donné, c'est final. C'est ça. Même pour le soulager. C'est superficiel. Hein? Superficiel. Ouais. Ouais. Non, ça marche.

Ils m'ont dit, le boss, c'est lui, pas le dire, lui. Là, j'ai compris, mais la main, c'est avec moi-même. Ben, c'est évident. C'est évident. Tout le temps. Toi, il aime ça d'en compter des salades. Parce que toi, tu tombes dans le piège, t'apprends ça, tu te redresses. Toi, tu tombes dans ta nouvelle, ça, tu souhaites l'air. Tu veux jamais t'être suite. Vous autres, tu vis dans le langage de la terre. Tu vis, c'est un homicide, c'est un suicide. Dans la lumière, tu vis. Si quelqu'un empêche une évolution, à ce moment-là, vaut mieux qu'elle soit détruite. Quand les gens ne sont vraiment pas conscients, ils ne le veulent pas. Ouais, tu peux pas tuer sa tête, la lumière. Dans la lumière, ce que tu peux faire, tu peux détruire un corps. Un corps, mais sur une autre planète, mais pas sur notre planète. Pour pouvoir détruire une vie humaine, il faut que tu en connaisses tous les aspects. Fait que si tu connais pas tous les aspects d'une vie humaine, tu peux pas détruire cette vie-là. Tu peux jamais détruire une vie humaine avec des moyens planétaires. Tu dois toujours détruire une vie humaine avec des moyens qui sont cosmiques. À ce moment-là, tu tombes sur une autre vibration, c'est une autre loi. Comme je disais, expliquer avec une civilisation supérieure, si un enfant est mal formé, mais ils vont le détruire. Il ne savait pas. Il va retarder l'évolution de la civilisation, il va retourner le plan, puis il construira d'autres corps pour venir un corps mieux fait. Mais sur notre planète, on a trop de sentiments. Yeah. On a trop de sentiments. Oui, mais on commence à en avoir de moins en moins de sentiments. Oui, mais pour qu'on puisse. D'abord, il n'appelle pas ça tuer, là. Il appelle ça dématérialiser. Pour qu'on puisse dématérialiser un corps, il faut déjà qu'on soit dans un autre niveau de conscience. Parce qu'à ce moment-là, le problème de tuer n'existe pas. Tandis que cette planète, c'est tuer, c'est meurtre. C'est un meurtre. On n'a pas le droit. Toujours un karma impliqué. Mais eux autres, dans ta relation avec eux autres, ils peuvent t'amener à un point où ils vont tester la centricité de ton ego. Moi, ils m'ont amené à la centricité de mon ego. Je t'apprête à le faire. J'ai dit, t'es mieux de changer, bon, parce que là, j'y vais. Là, ils ont changé. Ça, c'est juste avant que je commence à le faire. C'est similaire. Fait que là, dans cette centricité-là, là, l'énergie a passé pour les séminaires. Mais tu peux pas. Il te barre. Mais la relation entre l'homme et les autres est toujours absolue. C'est relatif, l'absolu. La relation entre eux et les autres est absolue. La relation entre eux et les autres sont absolues. Tout est absolu. Tu vois, tu parles de m'envoyer une image. Il m'a mentionné comment il s'appelle. L'immolation de son fils, elle a demandé de son fils. Abraham? C'est l'exemple. C'était un test. Ouais. Juste au moment où ce qu'il y a eu. Là, ils l'ont arrêté. Ouais. C'est juste un passé une nuit, non? Et Abraham, il pense à bec, c'était final, Charlie. Ben, sacré. Ouais. S'il avait dit non, je le fais pas. Oui, ça va là. 5 à un test pour sa propre résistance. Faut que tu aies bien du discernement pour leur dire non. Mais dis ça, Abraham appartenait à 5 embrasses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les initiés ne meurent plus sur la croix. Il n'y a pas un enfant en chaîne qui va me mettre sur la croix à moi. Tu as mieux d'être là. Oui. Est-ce qu'Abraham, dans ce temps-là, pouvait porter sur un plan où il doit attendre la fin de ce cycle-là pour aller sur le même plan? Abraham, présentement, travaille dans un autre monde. Il est un autre monde. Il vient depuis ici. Est-ce que c'est pareil comme c'est Les initiés peuvent se réincarner sur le plan. Ils sont pas fait de. Les initiés, ils se réincarnent pas, ils s'incarnent. Ils s'incarnent, moi, je veux dire. Ils sont là-bas. Hein? Ils ont des têtes de cochon, t'sais. Ils ont des têtes de cochon dans ce sens. Ils veulent pas répondre à ces questions-là. Pourquoi qu'ils font bonnet? Pour qu'ils sachent qu'ils veulent pas répondre à ces questions. Mais si on a un ouvrage à faire, ils vont venir ici le faire. Ils disent qu'on devrait... D'ailleurs, on va en arriver. On en arrive... à ce que ces questions-là, ça nous intéresse même pas. Faut qu'on arrive à plus n'avoir les questions. Parce que c'est une condition de l'ego. Faut qu'on en arrive à plus être intéressé à rien. À rien. Ça fait partie du passé. Ça, c'est partiellement une bonne réponse. Tout ce qui fait partie du passé, c'est mort. Moi, ce que ça m'a donné... De ce temps-là, là, après ça, je ne me posais pas de questions. Donc, qu'est-ce que je pose des questions, c'est pour le moment présent. Si je veux apprendre, je ne veux pas. Dans ce temps-là, c'est comme disons, à un moment donné, j'ai eu une décision à prendre. J'ai eu des. Ben, disons, j'ai eu une petite tension, là. J'ai dit oui, ça va être de même. Ils m'ont dit non. Ben, j'ai dit c'est quoi d'abord? C'est quelque chose de mieux. Si c'est pas ça, c'est quelque chose de mieux tout le temps pour moi. Et là, je l'ai vu clair dans la situation que le mouvement que j'avais à faire. C'est toujours pour le moment présent. Mais c'était-tu la même décision que tu avais prise par toi-même? Et non, je ne l'aurais jamais su. Par moi-même, ça a été à travers moi, là, c'est correct, mais... je n'avais jamais pensé à ça avant. Les minutes avant que le mouvement arrive, que l'autre m'a pris le mouvement... Dans l'instantané. Ben oui. C'est toujours le moment présent. Ouais. Faut que ça serve tout de suite. Ça fait tout de suite. Il dit que s'il répondait à toutes nos questions, il dit qu'il ferait. Il retarderait notre évolution. Nous autres, on pense qu'elle avancerait. Je prends Arbeck comme exemple. Il y en a des questions à Arbeck. Là, il commence à en avoir un petit peu moins. Il retarderait notre évolution. J'ai des questions qui sont intéressantes. Puis tu m'as fait un set de questions, là. Je suis pas capable de les mettre en rire, par contre. Parce que je ne suis pas capable. Il faut que l'énergie passe. Il faut qu'ils puissent les répondre, les questions. Hein? Il faut qu'ils veulent les répondre. Puis c'était des questions bien intéressantes. Mais ils sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux à un niveau, à un point tel que vous n'avez pas de maudite idée. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils sont des anti-computers. Un petit computer. Vous n'avez pas souffert, les autres, encore. Vous avez souffert un petit peu. Mais souffrez, les autres. Vous n'avez pas souffert. Vous ne souffrirez jamais des autres comme moi, j'ai souffert. C'était écœurant, souffrir, les autres. M'en dis comment j'ai souffert, les autres. C'est que tu dis. Faire moi, j'ai souffert le martyr mental. Là. Ils disent... Moi, c'est ça, là. Tout ce qui me reste à faire, c'est vous parler, puis vous parler, puis vous parler. Une fois que vous êtes ouvert, là, parlez, vous parlez, puis vous parlez. C'est quand même un rêve. T'as tout dit touché, t'as vu quand tu m'as dit, là, que je comprenais jamais ce moment. C'est pas nécessaire non plus. Parce que, au moment où on fait une action ou on fait une décision, c'est de la faille, c'est pas de comprendre ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que c'est. Ouais. C'est après, t'as pas. Mais la faille, t'es tellement de douceur, toi. En toi, t'es tellement de douceur. C'est ta douceur. Toi, il t'appelle la grande douce, la douceur. Puis quand, tant que tu as de la douceur, t'as pas, tu ne peux pas vivre ta force intérieure dans l'instantané. Parce que ta douceur va te faire retarder ce mouvement-là. Ta douceur. C'est un sentiment, c'est une énergie. C'est ta souffrance qui détruit ça. En relation avec des événements qui peuvent se passer. Ta douceur. C'est ça qu'on vient sur le C'est ça qui bloque, c'est ça. T'es douce. Lui, c'est un autre doux. Ça, c'est doux. Ah. Ça, c'est du miel. Mais chacun est différent. Mais on passe tout à travers nos conditions. Il n'y a pas un homme pareil. Il n'y a pas une personne pareille. Comme moi, le mec, ça va. Ton mari, il n'est pas doux. Lui, il avance. Ah, ça. Lui, il avance. Lui, il va toujours au bout de son lit. Ah, tout bout. Tout bout. En haut, il fait. Ah. Lui, il a fait lui, il pense à la maison. Elle fait de la fille, c'est pas vrai. Il est en dehors, lui. Ah, lui, il fonctionne. Il fonctionne. Mais moi, ça a été bon pour moi, hein. Ben oui. Ça m'amène patience, puis des frustrations, là, quand ça se passe. Parce que là, quand j'aurai mon temps, moi, ça va être compliqué. Puis il va l'avoir, je le sais. Parce qu'autant j'étais impatiente, puis tout de suite, lui, moi, d'abord, il est tellement plein d'énergie. Il m'a mis la patience, puis c'est ça, ça me prend. J'attends, je suis capable d'attendre, mais faut pas être. Il m'a emmené ça, autant là, en principe. Toi, tu comprends-tu ton problème? Il est comique, ton problème? Toi, tu vis un petit peu en dedans de toi, puis un petit peu en dehors de toi, puis un petit peu en dedans de toi, un petit peu en dehors de toi. Il dit, toi, t'as un doute quelque part. C'est pas qu'il est gros ton doute. Il est long. C'est comme un fil. Comprends-tu, vas-y? De temps en temps, il vient. Il est sorti. Mais ça, c'est tout le côté de ton intellect. Mais t'avances. Il dit qu'ils sont plus inquiets pour toi. T'es ça, frac. Toi, t'as dépassé le cap, là, après 3-4 mois. Cap. Un qui commence à dépasser le cap, c'est lui. Jean-Paul, oui. Non, comment ça? Aimé. Comment ça, mais c'est un drôle de cap. Lui, il a 3-4 dans son cap. Lui, il a le cap. D'abord, c'est pas facile, lui, parce qu'il a le cap de l'insécurité. Ça, c'est tough. Parce que nos vies, là, qu'on est venu, on est venu dans la matière.

Que le dernier mot, j'ai dit illusion de quoi? Cap. J'ai dit toi, j'ai dit tu vois les illusions du cap. Je dis chaque personne a un cap à passer. T'es, les gens ont différents. J'essaie de décrire par des mots les caps. Cap, j'ai dit toi, tu. Une limite intérieure. Okay. Puis lui, il a comme.